Rocambole, l'héritage mystérieux, par Ponson du Terrail. Tome 2e, chapitre 29e, le duel. Faisons un pas en arrière et laissons Mademoiselle de Balder lire et relire avec étonnement l'étrange lettre trouvée sur le guéridon de la chambre inconnue. Armand, on s'en souvient, emmena Bastien rue Culture Sainte-Catherine. « Mon vieil ami, lui dit-il, les gens qui aiment sont égoïstes, partants, oublieux. Si je t'avais laissé rue Mellet, nous aurions passé la soirée chez Mademoiselle de Balder, et les heures se fussent écoulées si vite que nous eussions, comme hier, entendu sonner minuit. Or, quand il faut être au bois de Boulogne à 7 heures du matin le lendemain, afin d'y défendre sa vie, une nuit de sommeil est nécessaire. « Bon, monsieur Armand, répondit Bastien, cela me connaît, ça. De mon temps, dans la vieille garde, on se battait tous les matins, ce qui n'empêchait pas de joyeusement souper vers minuit, chaque soir, lorsque les eaux n'étaient pas trop basses. Mais il y a 30 ans de cela. Peut-être bien 35 même. Tu étais un jeune homme alors. Bon, je suis solide encore, allez !» Armand secoua la tête et dit avec mélancolie. « Tirais-tu passablement l'épée ?»« Pas trop, pour dire vrai. Du temps de l'empereur, voyez-vous, on se battait tous les jours sur le champ de bataille, et on n'avait pas le temps d'aller à la salle d'armes. Mais quand on tient son épée avec son cœur, tarare !» murmura Armand, tout pensif. Et il ajouta presque mentalement, « Les Anglais, en général, se battent peu. Ils exècrent. Ils méprisent le duel. Mais ceux qui font exception à cette règle, et toute exception devient une originalité, doivent professer pour lui un culte excentrique, précisément parce que leurs compatriotes n'en font aucun cas et l'abordent. Et cela doit être ainsi chez ce Sir Williams, puisqu'il veut absolument aller sur le terrain pour une semblable misère. « Eh bien, dit Bastien, qui avait surpris la partie de M. de Kergaz, puisqu'il le veut absolument, je tâcherai de lui donner une leçon. » Armand conduisit Bastien au second étage de l'hôtel, où il avait disposé une vaste pièce en salle d'armes, car il aimait passionnément l'escrime jadis, et il prit des fleurets et des masques, disant au vieux soldat, « Refais-toi un peu la main, c'est toujours une bonne précaution à prendre. » Le comte et son vieil ami ferraillèrent à peu près 1 heure. « La méthode est bonne, » dit enfin le premier. « Le poignet est ferme et assez léger, mais le jarret manque de souplesse. Il faudra tuer ton homme à la première passe, ou toi-même tu es un homme mort. »« On tâchera, » répondit tranquillement Bastien, qui dîna d'un excellent appétit, se coucha avec le calme d'un vieux brave devant lequel la mort a toujours reculé, et dormit d'une seule traite jusqu'au matin. Armand, qui avait passé la nuit sur un canapé, l'éveilla à 6 heures et lui dit « Allons, il y a une grande heure d'ici au bois, et il nous faut cependant arriver les premiers. La France ne peut pas être en retard. » Bastien s'habilla lestement, mais il mit à sa toilette ce soin minutieux des officiers d'autrefois qui se faisaient poudrer et demandaient leur habit de gala pour monter à l'assaut. Il se mit un gilet de piqué blanc sur une fine chemise de batiste qu'attachait une grosse épingle en diamant, souvenir de l'infortunée mère d'Armand. Il boutonna par-dessus son gilet une redingote bleue, à la boutonnière de laquelle brillait sa rosette. Puis il chaussa des bottes vernies et un pantalon de casimir noir un peu large et à la hussarde, ce qui acheva de lui donner une tournure militaire. Armand était entièrement vêtu de noir et comme Bastien, il portait sa décoration. Le roi Louis-Philippe avait daigné décorer le sculpteur Armand, prix de Rome, et le comte de Kergaz était loin de renier l'artiste. Une paire d'épées de combat, rapportée d'Italie, et dont la trempe était merveilleuse, furent placés dans le caisson de la voiture et l'on partit. L'équipage du comte de Kergaz monta l'avenue des Champs-Élysées au grand trot, sans rencontrer aucune autre voiture, tant à 7 heures matinale, le plus élégant quartier de Paris est désert. Mais, à la barrière, il fut rejoint par une Américaine attelée d'un seul cheval et qu'un jeune homme conduisait. « Voilà Sir Williams, » dit Bastien, en montrant le jeune homme à côté de qui était assis Ralph O, tandis qu'Arthur G était placé sur le siège de l'arrière. Armand regarda avec curiosité cet homme que Bastien avait pris pour Andrea. Et à son tour, il tressaillit et dit vivement « Es-tu bien certain que ce ne soit pas lui ?»« Oh, certes, oui, » dit Bastien, « j'en ai la conviction. Mais cette ressemblance est étrange. » Le baronnet et ses témoins saluèrent Armand et Bastien. Puis, en gens bien élevés, ils rangèrent le tilbury côte à côte de la calèche, ne voulant point dépasser leurs adversaires, ni cependant rester en arrière. Les deux équipages descendirent donc de front l'avenue de Neuilly et arrivèrent à la porte Maillot où un cavalier les attendait en travers de la route. Ce cavalier était un chef d'escadron d'un régiment de hussards alors caserné au Quai d'Orsay, que M. de Kergaz connaissait beaucoup et qu'il avait pris la veille par un mot de vouloir bien assister Bastien en qualité de second témoin. Le chef d'escadron mit pied à terre. Armand et Sir Williams descendirent de voiture, et les six personnages se dirigèrent à pied vers le bois, dans lequel ils trouvèrent, à 100 mètres du pavillon d'Armenonville, un fourré convenable pour la rencontre. Le terrain était bon, dépourvu d'herbe et couvert d'un sable fin. Tandis que Sir William Sébastien, après s'être salué de nouveau, demeurait à distance, Ralph Howe et le chef d'escadron réglaient les conditions sommaires du combat, et M. de Kergaz, qui attachait toujours sur Sir William un regard scrutateur, disait à Arthur G., son second témoin, « Nous sommes, monsieur, un moment assez grave pour qu'on puisse causer librement, loyalement, en mettant de côté toute intention personnelle et blessante. Je suis de votre avis, monsieur. Voulez-vous me permettre une question ? Parlez, monsieur, je vous écoute. Connaissez-vous Sir Williams depuis longtemps ? Depuis 2 mois seulement. Êtes-vous bien persuadé qu'il soit réellement baronnet et d'origine irlandaise ? J'ai vu ses titres de famille, monsieur. » « C'est étrange, » murmura Armand. « Je jurais que c'est mon frère. » « Monsieur, » répondit Arthur G., « vous sentez bien cependant que cela fut-il, je n'ai pas le droit, moi, qui ai vu des papiers, des titres, des lettres de recommandation au nom de Sir Williams, baronnet et gentilhomme d'Irlande, d'admettre son identité avec le vicomte André à votre frère. D'ailleurs, il serait trop tard. « Aussi, monsieur, » fit observer froidement Armand, « est-ce à titre de simple renseignement que je vous ai fait cette question ?» Les deux jeunes gens se saluèrent, témoignant ainsi que l'entretien se terminerait d'un commun accord, et ils s'approchèrent de Ralph Howe et du chef d'escadron. « Le motif de la rencontre est léger, » disait ce dernier. « Ensuite, il y a entre les deux adversaires une énorme disproportion d'âge. Ceci me paraît plus que suffisant pour ne point donner à cette affaire un caractère trop sérieux. « C'est mon avis, monsieur, » répondit Ralph Howe. « Je pense donc que ces messieurs doivent se battre au premier sang. C'est tout à fait suffisant. Et ne point engager le fer à plus de 2 pouces. » Ralph Howe s'inclina en signe d'assentiment. « Messieurs, » ajouta-t-il, s'adressant aux deux adversaires qui se rapprochèrent, « veuillez mettre habit bas sur le champ. » Sir Williams, que M. de Kergaz continuait à examiner avec une scrupuleuse attention, demeurait impassible sous le poids de ce regard, et il dit avec le plus grand calme et d'un ton où perçait légèrement l'accent britannique, « Le temps est beau, mais il fait froid. » Et j'aurais dû choisir le pistolet pour me dispenser de me déshabiller. » Puis il ôta son habit et dit à Bastien, qui venait d'en faire autant et oubliait sa cravate, « Pardon, monsieur, puisque vous gardez la vôtre, je vais remettre la mienne. J'éviterai un rhume de poitrine. »« Non pas, » dit Armand d'un ton sec, « ôtez votre cravate, monsieur Bastien, cela peut parer un coup d'épée. » « Comme vous voudrez, Ao, » murmura Sir Williams avec un calme si parfait que cette fois les derniers noeuds de M. de Kergaz s'évanouirent. « Cet homme est bien anglais, » pensa-t-il, « ce n'est pas Andrea. » Les épées avaient été tirées. Le sort fut pour Sir Williams, il devait se battre avec les siennes. « Allez, messieurs, » dit Sir Ralph Howe, au moment où les deux adversaires se mettaient en garde. M. de Kergaz avait touché juste en disant que lorsqu'un Anglais se battait, il était vraisemblablement excellent tireur, et il put s'en apercevoir dès la première passe. Sir Williams, cet homme si flegmatique et dont tous les mouvements accusaient la raideur britannique, devenait sur le terrain d'une souplesse merveilleuse, d'une agilité féline, qui déjouèrent la loyale impétuosité du vieux soldat. Son épée, qu'il semblait tenir au bout des doigts, tant il avait la main légère, semblait se dédoubler et se multiplier, arrivant à la parade avec une prodigieuse souplesse, tandis que celui qui la maniait rompait ou marchait avec une foudroyante vitesse. Pendant près de 5 minutes, Bastien, essoufflé, furieux, porta les plus terribles coups à Sir Williams. Tous furent parés et le baronnet ne riposta point. À toute minute, le vieux soldat, ignorant des galantes finesses de ce jeu terrible, devenu un arbre irritable dans les mains des maîtres modernes, entassait faute sur faute, se fendait faux, écartait le bras, se découvrait. L'épée de Sir Williams paraît et n'attaquait pas. « Il me ménage, » murmurait Bastien hors de lui. « Il me ménage, moi, un hussard de l'Empire. » Et Armand, qui voyait bien qu'avec tout autre qu'un parfait gentleman, Bastien eût été mort déjà, Armand se disait « Andrea serait moins généreux, décidément ce n'est pas lui. » Enfin, cependant, et pour mettre un terme à cette lutte stérile, au moment où Bastien rendait à demi l'épée, le baronnet la lui lia rapidement tierce sur tierce, l'enleva d'un énergique coup de poignet, et tandis qu'elle roulait à 20 pas, il appuya la sienne sur la poitrine du vieux soldat, unissant si intimement l'acte du désarmement à celui de la riposte, que le coup devenait loyal et qu'il pouvait sans remords tuer son adversaire. Mais l'épée effleura à peine sa chemise, et content de cette victoire sans effusion de sang, le baronnet fit un saut en arrière et releva son épée la pointe en l'air. « Assez, messieurs, assez !» s'écria Armand, qui avait frissonné des pieds à la tête en ce terrible moment. Bastien laissa échapper un énergique juron et voulut courir ramasser son épée, mais monsieur de Kergaz l'arrêta. « Trop tard. Tu n'as plus le droit de recommencer. Il pouvait te tuer, il ne l'a pas fait. » Sir William s'était vivement rapproché de son adversaire et lui disait au même instant « Voulez-vous à présent, monsieur, accepter mes excuses pour mon excessive susceptibilité et me tendre loyalement la main ?» La mauvaise humeur du grognard ne pouvait tenir contre ces paroles. Il tendit la main à Sir Williams qui ajouta, sans se départir de son accent d'outre-manche, « Il faut à présent, messieurs, que je donne l'explication de ma conduite. Mon honorable adversaire m'avait adressé il y a 2 jours de loyales excuses qui étaient plus que suffisantes, j'en conviens. Mais la veille, à mon club, interrogé sur les opinions de mes compatriotes à l'endroit du duel, qu'au fond j'aborde comme eux, j'avais, par esprit d'opposition, soutenu qu'un gentleman accompli doit se battre, ajoutant que je serais très heureux de donner l'exemple. Il me le fallait donc mon petit duel, et M. Bastien m'en avait fourni l'occasion. Je l'ai saisi aux cheveux. Oh !»« C'est égal, » murmura Bastien avec un reste de rancune, tempéré cependant par son franc et loyal sourire. « Il n'y a qu'une vieille bête comme moi, capable de se laisser désarmer ainsi. C'est honteux. » Et Bastien serra une seconde fois la main de Sir Williams. Celui-ci s'approche alors de M. de Kergaz. « Il paraît, monsieur le comte, que je ressemble bien parfaitement à un frère que vous cherchez de par le monde. »« C'est frappant, » répondit Armand tout rêveur. « Pourtant, Andrea a les cheveux blonds et moins noirs. Les miens sont bon teint. » Et Sir William s'ajouta. « Cependant, monsieur, si vous conserviez encore le moindre doute, vous m'honoreriez en acceptant une invitation à déjeuner chez moi, un de ces jours. Je pourrais vous montrer, avec pièces authentiques à l'appui, mon arbre généalogique. » « Monsieur, » dit Armand. Le baronnet prit un air confidentiel et s'adressant indistinctement à Armand, à Bastien et aux témoins. « Messieurs, vous avez sans nul doute été amoureux au moins une fois en votre vie. Moi, je le suis. Le plaisir de me trouver avec vous ce matin m'a privé de celui de voir ma maîtresse hier soir, et j'ai hâte de réparer le temps perdu. Or, ma maîtresse habite un mystérieux cottage perdu à la lisière des bois dans lequel nul ne doit entrer. Je la garde avec la jalousie sauvage d'un dragon. Par conséquent, je vais être obligé de vous quitter. » Et regardant Armand, « Monsieur le comte, » ajouta-t-il, « vous seriez l'homme le plus aimable du monde si vous offriez 2 places à mes amis dans votre calèche, afin que j'aie la possession entière de mon Tilbury. Je ne retourne pas à Paris. » Armand s'inclina en signe d'assentiment et l'on regagna la porte Maillot où les voitures attendaient. Là, Sir Williams monta lestement dans son Tilbury et dit à Armand, « N'est-ce pas, monsieur le comte, que le temple du bonheur n'est autre chose que la maison de la femme que l'on aime ?»« Peut-être, » murmura Armand qui se prit à songer à Jeanne, « et que lorsqu'on a une fiancée qu'on adore, il faut la cacher à tous les yeux. » Sir William se laissa bruire entre ses lèvres ce sourire moqueur où l'âme satanique du vicomte Andrea semblait reparaître, et Armand tressaillit, assaillit de nouveau par tous ses doutes. « Si vous aimez une femme, » acheva Sir Williams, qui enveloppa son cheval d'un coup de fouet et partit rapide comme l'éclair. « Gardez-la bien, je vous le conseille. » Cette fois, Armand devint pâle comme un mort et pour la seconde fois, il songea Jeanne et eut peur. Sir William savait la voix railleuse d'Andrea le maudit en s'exprimant ainsi, et son éclat de rire satanique retentit au fond du cœur de M. de Kergaz comme un glas funèbre. Cependant, Sir Williams, filant comme une flèche sur l'avenue de Neuilly, traversa le pont, gagna Courbevoie, puis Nanterre et Rueil, longea le parc de Malmaison et arriva à l'entrée du petit vallon qui s'ouvre derrière Bougival, cette colonie de pêcheurs et d'artistes en même temps. Puis il monta au trot l'unique rue du village, dépassa l'église, arriva tout en haut du vallon près de Lucienne et finit par s'arrêter devant la grille d'une vaste propriété plantée d'arbres, entourée de murs, à l'extrémité de laquelle on apercevait un joli petit castel de moderne structure, tandis que dans une direction opposée et dans un coin du parc se dressait une maisonnette. Cette maisonnette n'était autre que celle où Collard avait, 2 jours plus tôt, amené Cerise, la confiant à la garde de la veuve Fipard. Seulement, Collard était entré par une petite porte bâtarde, tandis que le tilbury de Sir Williams franchit la grille de maître qui, du reste, était ouverte à 2 battants. En même temps, le baronnet aperçut sur le sable frais de l'avenue les traces du passage récent d'une voiture. « Allons, » dit-il avec un soupir de satisfaction, « le coup est fait, j'en ai à moi. » Le Tilbury s'arrêta devant le perron, en haut duquel Sir William s'aperçut Collard, qui fumait tranquillement son cigare et humait les rayons du soleil levant. « Eh bien ?» lui demanda vivement le baronnet en lui jetant les rênes. « L'oiseau d'or, » répondit Collard. « Ici ?» fit Williams anxieux. « Parbleu, mon capitaine !»« À quelle heure a-t-elle pris le narcotique ?»« À 10 heures du soir. » Sir Williams consulta sa montre. « Il est 8 heures du matin, » dit-il. « Elle a encore 2 heures à dormir. » Et le baronnet suivit Collard, monta lestement l'escalier de la petite villa et pénétra, après avoir traversé le salon, dans cette chambre à coucher où naguère nous avons vu Mademoiselle de Valder s'éveiller, tout étonnée de se trouver en pareil lieu. Lorsque Sir William entra, la jeune fille dormait toujours étendue sur le canapé. Le baronnet s'arrêta devant elle et se prit à la contempler. « Véritablement, » murmura-t-il, « la petite est fort belle. Je ne l'avais jamais vue. J'en fais mon compliment, Armand. Il avait très bon goût. » Puis, tout à coup, fronçant le sourcil et regardant Collard, « Est-ce que, par hasard, tu n'aurais pas été tenté ?»« Ma foi, non, » dit Collard. « Elle est gentille, c'est vrai, mais trop pâle. J'aime les couleurs, moi. » « Oh, » dit-il tranquillement, « je te l'eusse pardonné. Après tout, je n'ai pas de préjugés. Perbaco, comme disait feu mon honoré père. » Et William s'ajouta, « Qu'as-tu fait de la vieille ?»« Je l'ai couchée simplement sur son lit, plaçant à la portée de sa main la lettre que vous savez et dans laquelle votre ancien clerc de notaire avait si bien imité l'écriture de mademoiselle. À merveille. » « Quant à Cerise, » reprit Collard, « il paraît que la fille part et elle ne peuvent s'entendre. La petite pleure. La vieille, qui est plus mauvaise qu'une teigne, lui fait endurer misère sur misère. » « Voilà précisément ce que je ne veux pas, » dit Andrea. « Et si cela est, c'est à toi qu'on doit s'en prendre. »« Dame, » fit Collard d'un ton de mauvaise humeur, « m'avait demandé quelqu'un de confiance, j'avais sous la main cette vieille, qui est la maîtresse de Niccolo, nous l'avons employée, voilà tout. À présent, je ne savais pas qu'elle eut un mauvais caractère. » Sir Williams ne répondit pas, et peut-être qu'il n'entendit point la justification de Collard, tant il était absorbé en sa méditation. Les bras croisés, devant la jeune fille endormie qu'il contemplait, il semblait avoir oublié Collard. « Va-t'en, » lui dit-il enfin, « va trouver cette femme, cette veuve Hippard, et dis-lui qu'elle prépare Cerise à ma visite. » Collard sortit, laissant Sir Williams en présence de Mademoiselle Jeanne de Balder en proie à un sommeil léthargique. Le baronnet s'assit devant le guéridon et écrivit cette longue lettre que nous avons vue trouvée par Jeanne à son réveil. Puis, quand il eut fini, un amer et terrible sourire glissa sur ses lèvres. « Ah, » dit-il, « mon cher frère, mon Armand bien-aimé, il me vient une fameuse idée, allez, et je crois que je tiendrai, à côté des millions du bonhomme Carmarouet, une bien belle vengeance. Ah, tu m'as chassé comme un voleur. Ah, tu m'avais pris Marthe, la seule femme que j'ai aimée. Ah, tu m'appelais Andrea le maudit, et tu espérais être heureux. Allons donc. » La voilà, cette jeune fille dont la beauté a fait battre votre cœur. Elle est là, endormie, immobile, en mon pouvoir. Un autre que moi se contenterait d'être ignoble et brutal en sa vengeance. Moi, je serais raffiné, élégant et cruel. Ce n'est point la possession de Jeanne qu'il me faut, c'est son cœur. Elle commence à t'aimer, elle m'aimera. Tu étais hier à ses yeux le comte Armand de Kergaz, un homme du monde vertueux et riche. Tu seras un effronté coquin qui s'affuble de l'habit ou du nom de son maître, et elle te méprisera. » Le sourire de Sir Williams dégénéra en un éclat de rire strident. « Oh, monsieur le comte, » acheva-t-il, « il m'est venu une bien belle idée, je vous prie de le croire. Ce n'est plus vous qu'êtes le comte de Kergaz, c'est moi. Et le jour où j'aurai épousé Hermine, le jour où Lord de Carmarouet sera mien, ce jour-là je te crierai, « Armand, Armand, Jeanne, ta bien-aimée est devenue ma maîtresse. Elle t'a pris pour un laquais. » Sir Williams, dont le visage rayonnait d'une infernale joie, Sir Williams sonna violemment. Mariette, la femme de chambre destinée à Jeanne, parut. « Fais monter les autres, » ordonna le baronnet. Mariette sortit et revint peu après avec la femme de charge, le valet de pied et le groom. « Écoutez-moi bien, » dit Sir Williams. « 100 louis pour un mois de gage à chacun de vous, si pour vous je suis le comte Armand de Kergaz et si votre nouvelle maîtresse en est persuadée. Sinon, vous serez chassé. » Et Sir Williams ajouta mentalement, en renvoyant les domestiques et sortant lui-même de la chambre où Jeanne dormait toujours, « Maintenant, je vais faire la leçon à Cerise. Si Jeanne ne devait pas croire ces gens, elle croira bien certainement la petite fleuriste, qui est son amie d'enfance. Sir Williams quitta la villa et se dirigea vers la maisonnette au fond du parc, où nous allons le précéder et retrouver Cerise.